Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la musique dans les camps de concentration. Presque dans tous les camps, il y avait des orchestres. C'est un peu bizarre voir des SS qui applaudissent un orchestre juif dans un camp d'extermination de juifs. C'est un peu curieux. Hein? L'image est en effet complètement surréaliste et pourtant, il y a bel et bien eu des orchestres dans les camps de concentration. Et à partir de 1942, non seulement les nazis acceptent ces orchestres, mais ils se mettent même à les encourager. Mais attention, la musique dans les camps, on la subit bien plus qu'on ne l'apprécie. Presque dans tous les camps, il y avait des orchestres. Ça paraît assez aberrant, mais dans tous les camps, il y avait des orchestres. C'était généralement des 5, 6, 8 ou 10 malheureux qui devaient jouer de la musique en plein air, même quand il faisait très froid, et qui devaient jouer des marches pour faire sortir et rentrer, faire entrer les commandos pour mieux les compter. Et sortait par la grande porte Arbeitmarktfrei, là, et rentrait par là aussi. Et c'est à ça que servaient les orchestres. On dit quelquefois, mais tu étais à l'orchestre, là, tu étais bien, tu étais à ton aise. C'est vrai, dans un certain sens, il faut voir. La faveur que nous avions, c'était celle de rester assis sur une chaise et de jouer de la musique. Mais on jouait de la musique de 4 heures du matin jusqu'à 10, 11 heures du soir, répétition comprise. Sur la marche de Badonvilliers, une marche militaire qui rythmait les activités des détenus dans les camps et qui était l'une des marches préférées d'Hitler, vous entendiez Charles Van West, survivant d'Auschwitz, violoniste à l'époque à l'orchestre d'Auschwitz, extrait d'une entrevue réalisée par la Fondation Auschwitz. Pour nous raconter cette invraisemblable histoire de la musique dans les camps de la mort, je reçois ma collègue Catherine Véribilli, qui est chroniqueuse culturelle à l'émission du matin à notre radio à Montréal, qui est aussi musicienne classique de formation. Catherine Véribilli, bonjour. Bonjour. Jacques. Cet aspect-là, il est moins connu, oui. Cet aspect de la musique dans les camps. Puis je le disais d'entrée de jeu, mais vu avec nos yeux d'aujourd'hui, ça semble complètement surréaliste et pourtant ça a bel et bien existé. Quelle place elle a occupée, cette musique, et dans les camps de la mort? Ça a occupé beaucoup de place, oui. En plus. Oui, Jacques, il y avait de la musique, on l'entendait dans tous les camps, sous différentes formes, on va y revenir, là, mais ce que je tiens à souligner, c'est que c'est un paradoxe de la Seconde Guerre mondiale, parce que dès 1935, donc bien avant le début de la guerre, les musiciens juifs ne peuvent plus jouer en Allemagne, mm-hmm. avec les lois de Nuremberg, là, les lois émises par Hitler pour exclure les juifs de tous les pans de la société. Mais donc, il y aura ces Juifs qui vont jouer dans les camps. Et c'est une situation qui est peu connue, je pense, entre autres, parce que ça a été longtemps tabou, douloureux, entre autres, d'admettre que les nazis étaient des monstres mélomanes qui ont détourné, qui ont souillé de grandes œuvres en les utilisant de façon machiavélique. Mais surtout, ces musiciens-là ont eu honte d'avoir participé à des exécutions, à avoir joué dans des contextes vraiment hyper traumatisants. À amuser aussi ces fameux monstres, les gens qui étaient les SS, les nazis qui étaient dans ces camps. Ça arrive quand, la musique dans les camps, Catherine Véribilli? Très tôt, 1933, dès qu'Hitler arrive au pouvoir, au fond, dès la mise en place des premiers camps punitifs. Et au début, c'est vrai que c'est un phénomène peut-être un peu plus clandestin, mais ça le sera de moins en moins. Et en août 1942, là, on arrête de faire semblant. Il y a carrément une loi, l'Office central de la sécurité du Reich, qui officialise la constitution des orchestres dans les camps de concentration. Et ça prend quelle forme? Bon, il y aura des orchestres à terme, mm-hmm. Entre autres avec cette directive de 42. Vous dites au début, c'est plus clandestin, plus individuel, j'imagine, on a besoin de faire de la musique pour survivre à cette horreur. Oui, on chante, entre autres, beaucoup pour se donner du courage. Donc ça, c'est l'aspect individuel, mais c'est vraiment l'aspect collectif qui est fascinant et qui est plus important aussi. Donc des orchestres, des ensembles de musique de chambre, des fanfares, des chorales. Donc ça prend différentes formes, mais c'est très, très présent. Oui, et puis il y aura même les camps, certains camps auront, puis on y reviendra, mais des hymnes. Ouais. Il y aura tout un art des chants de résistance aussi qui se développeront. Qui sont ces musiciens des camps, Catherine? Donc, tout d'abord, bien sûr, il y a tous ces musiciens professionnels qui ont été arrêtés, envoyés dans les camps et donc faits prisonniers. Ils sont ciblés, en fait, par le régime. Ce sont des gens qui font de la musique, soi-disant, dégénérée. L'art dégénéré, ouais. Voilà, donc qui nuisent à la pureté de la race. Il y a tous ces amateurs aussi. Dès qu'on sait lire la musique, dès qu'on joue d'un instrument, on embarque dans l'orchestre. Beaucoup de tziganes aussi. On sait que la population tzigane a été hautement persécutée par les nazis. Et donc, le résultat, c'est que vous avez des formations assez étranges. Par exemple, ça peut paraître futile de le présenter comme ça, mais quand même, 5 violons, 9 trompettes, une guitare, une flûte, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on se débrouille, c'est vraiment, on se débrouille. Ouais. Est-ce que il y a vraiment, l'intervenant qu'on entendait, survivant des camps d'Auschwitz, disait, il y a des orchestres dans tous les camps, c'est vraiment le cas? Oui, je veux pas vous inonder de chiffres, là, mais allons-y un petit peu. Dachau, 1938, il y a un orchestre de 12 musiciens. En 1942, on est rendu à 60 musiciens. À Buchenwald, il y a eu un orchestre de 120 musiciens. Les colonels SS commandaient eux-mêmes les instruments pour les musiciens. Et l'exemple du camp de Térésine à Prague, 4 orchestres, des orchestres immenses en plus. Il y avait cette espèce de fierté des dirigeants des camps, une espèce de compétition à savoir qui a le plus gros orchestre pour que l'image du camp soit positive. Et quelle musique joue-t-on dans ces camps? Qu'est-ce que jouent ces fameux orchestres? Oui, donc des marches militaires, on l'entendait, c'est simple à apprendre, c'est simple à jouer, mais on joue les grandes œuvres, on joue la grande tradition allemande et autrichienne. Et là, nommez votre compositeur préféré, Bach, Mozart, Haydn, Strauss, Schubert, Brahms. Mm-hmm. Et les trois préférés des nazis, Beethoven, Wagner et Bruckner. En fait, les nazis s'enorgueillissent de la supériorité de ce qu'on pourrait appeler la musique de tradition allemande. Le cas de Wagner est intéressant, en fait, parce que ça montre un petit peu la cruauté, une manière de cruauté. Wagner, qui est donc un musicien qu'adore Hitler, mais qui un antisémite notoire. Et on oblige donc des musiciens juifs à interpréter ses œuvres. Oui, et Hitler a récupéré tous les propos de Wagner. Wagner a écrit un livre tristement célèbre qui s'intitule « La judéité ou le judaïsme dans la musique ». On est en 1850, mais entre autres, il parle de sa répugnance à l'égard des juifs et tout ça. Et Hitler s'est approprié tout ça. Et il va forcer les juifs dans les camps et ailleurs aussi à s'imprégner de la musique de Wagner. Puis il y aura des exemples dans le même ordre d'idée plus tard. Par exemple, on va obliger un orchestre dans un camp, on va obliger des Juifs à jouer un cabaret antisémite, carrément. Ouais. C'est fou. Le chant, entre autres, pouvait vraiment se transformer en outil de torture. Quand on vous fait dire, quand on vous fait chanter des paroles, des textes qui vous décrivent comme les pires horreurs que la Terre ait jamais portées, vous avez un exemple de torture assez flagrant ici. Est-ce qu'il y a des compositeurs, des styles de musique qui sont interdits, mais complètement interdits dans les camps? Ben, on le sait, les nazis exècrent toutes les musiques juives, tziganes, je le mentionnais, et noires aussi. Donc, par exemple, un certain Gustav Mahler qui est, oui, autrichien, mais il est juif. Donc, lui, on ne touche pas à sa musique. Et il y a le jazz, qu'on dit évidemment la musique noire, manouche. Ça, encore une fois, on n'y touche pas. Quoique, et c'est là que c'est un peu ironique, selon les camps, le jazz est parfois toléré parce que certains gardes aiment le jazz, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il y a une espèce de double standard. Et on utilise parfois, on va même certaines fois réclamer du jazz dans des soirées, parce qu'il y en avait dans les camps ou tout près des camps, des soirées pour les officiers, disons, un peu joyeuses, disons ça comme ça. Revenons à la fonctionnalité. On a dit, parfois, c'est humiliant pour ces musiciens juifs. On leur demande de chanter des chansons antisémites, de jouer des pièces de compositeurs antisémites. C'est ça, entre autres, la fonction de la musique dans les camps, Catherine Viribilli. Elle sert à quoi, la musique? Et pourquoi les Allemands, en 42, décident non seulement de la tolérer, mais même d'encourager l'utilisation de musique dans les camps? Bien, il y a plusieurs fonctions. On mentionnait le fait que c'est pour distraire les SS, tout simplement, donc fêtes d'anniversaire, soirées privées, etc. C'est un formidable outil de propagande aussi. Quand il y a des gens de l'extérieur qui viennent vérifier un peu l'état des camps, on vous dit, vous voyez, tout va bien, on a un orchestre ou deux ou trois, donc ça sert d'écran à l'horreur aussi. L'orchestre qui a une fonction utilitaire, on en parlait, donc rythmer le pas des détenus qui partent travailler, qui reviennent le soir, c'est plus facile pour compter les détenus à la fin de la journée. Et l'orchestre a aussi été un extraordinaire instrument de torture. Et moi, je trouve que c'est l'aspect le plus troublant de tout ça. Donc, on a des tonnes de témoignages qui racontent comment les musiciens ont participé à des mises en scène d'exécutions macabres, sadiques. Un exemple, il y avait des prisonniers qui ont dû valser jusqu'à ce qu'ils en meurent d'épuisement. Et il y avait les musiciens qui ont donc joué pendant des heures en assistant au décès des prisonniers en face d'eux. Vous imaginez le traumatisme de ces musiciens-là, c'est assez extraordinaire. La musique, parfois, carrément pour masquer le bruit aussi de certaines exécutions. Vraiment, on est dans la pure horreur. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu des cas, et je le disais d'entrée de jeu, mais je le rappelle parce que c'est vraiment une musique qu'on subit, beaucoup plus qu'on apprécie cette musique dans les camps. Est-ce qu'il y a des cas où la musique devient carrément une forme de résistance, Catherine Véribilli? Oui, et je dirais que c'est le moment le plus lumineux de ma participation à l'émission aujourd'hui. Parce que oui, surtout le chant, en fait, peut-être moins du côté des instruments, là, mais chaque camp a son hymne. Et ça, on le sait peut-être moins aujourd'hui, on l'a peut-être oublié. Mais donc, on compose, on raconte le quotidien du camp. Ça crée cette espèce de sentiment de collectivité aussi, parce qu'il y a des gens qui passaient aussi des années à vivre ensemble. Et donc, il y avait ces histoires de camp qui étaient racontées par les hymnes. Il y a eu aussi des productions théâtrales clandestines, donc des petites pièces de théâtre qu'on montait parfois avec un peu de musique, mais tout ça de façon très cachée. Et donc, oui, il y a peu d'exemples, mais il y en a quand même où, finalement, l'art demeure, malgré tout, cette espèce de source de réconfort, d'apaisement, une espèce d'exutoire aussi. Là. Parfois, des chants de résistance chantés, évidemment, entre un peu plus clandestinement. Puis, il y a un exemple assez fabuleux où les détenus, la direction du camp demande aux musiciens du camp de composer un hymne. Et ils réussissent, à l'insu des nazis, en fait. Ils composent un hymne, mais tout en double sens. Ouais. Et chacun, entre guillemets, il trouve son compte, mais ça, c'est comme un pied de nez. Il y en a quand même des petites perles comme ça. On peut se moquer un peu. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Les femmes, on n'en a pas encore parlé, les femmes dans tout ça. On écoute Ita Viernik. Elle nous parle de l'Orchestre des femmes d'Auschwitz, extrait d'une entrevue réalisée par la Fondation Auschwitz, justement. Il y avait un orchestre d'hommes dans le camp des hommes, mais les femmes, c'était, il n'y avait que des femmes. Parce que cet orchestre était composé de tellement bizarrement, puisqu'il y avait des violons, des mandolines, guitares, des blocs flûtes, une flûte traversière, une cymbale. Et vous imaginez, c'était un orchestre comme ça qui devait jouer des marches. Parce que la raison pour laquelle il y avait cet orchestre, c'était pour jouer des marches. Le matin et le soir, quand les femmes allaient au travail, il fallait qu'elles marchent au pas. Elles étaient comptées et recomptées. Et le soir, quand elles rentraient, de nouveau les marches, elles étaient de nouveau comptées, recomptées. Et grand privilège aussi, c'est qu'on avait le droit à une douche tous les jours. Alors ça c'était le grand, grand privilège, parce que c'était une des choses les plus importantes dans le camp, c'est de pouvoir se laver. Ça fait que je suis encore là. Les orchestres de femmes, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre, puis on va y revenir à cet extrait riche vraiment de il y a plein d'informations là-dedans. Mais d'abord, on l'entend bien, la fonctionnalité, elle est la même, qu'on parle d'un orchestre de femmes ou un orchestre d'hommes. Est-ce qu'il y en aura beaucoup d'orchestres de femmes, Catherine Véribilli? Ben, en fait, les femmes vont se mêler aux orchestres d'hommes, d'une part. Il y aura à Birkenau les femmes qui auront leur propre orchestre. On a peu d'exemples de cette ampleur-là, de la présence des femmes ou en fait de la création d'orchestre par des femmes. Les femmes sont beaucoup dans les chorales. Faut se rappeler qu'à l'époque, comme on le sait, les femmes ont moins de formation de musiciennes professionnelles. Donc, le chant, c'est quelque chose d'un petit peu plus simple. Alors, c'est ça qui explique qu'elles soient beaucoup dans les chorales. Mm-hmm. Mais il y a cet exemple, entre autres, l'exemple à Birkenau est assez extraordinaire. C'est un grand, grand orchestre de femmes dirigé par une femme. Et donc, on prenait notre place de ce côté-là. Là. Ce qu'on entend aussi assez clairement dans l'extrait qu'on vient d'entendre ensemble, puis vous l'avez évoqué, c'est qu'il y a des déséquilibres d'instruments. Ça donne, on fait avec les moyens du bord, avec les musiciens disponibles. Ça donne parfois d'étranges bizarreries. On s'adapte, en fait, tout simplement. Si vous avez un talent d'arrangeur, soudainement, vous avez beaucoup d'amis. Ouais. Mais c'est ce qui fait aussi qu'il peut y avoir une diversité dans le répertoire, donc que vous n'ayez pas à jouer constamment les mêmes œuvres. Mais je pense qu'il n'y avait pas tant un souci d'exactitude, de précision, de respect de la partition, mais il fallait quand même, par exemple, transposer certaines partitions pour qu'on puisse le jouer avec l'instrument. Donc, c'était beaucoup de la débrouille. Ita Viernik nous dit que cette fameuse douche quotidienne à laquelle elle avait droit lui a probablement sauvé la vie. Ouais. Ça a été important pour elle. Est-ce qu'ils ont beaucoup de privilèges, les musiciens? Puis comment ils sont perçus aussi par les autres prisonniers? Oui, c'est vrai que ça donne droit à certains privilèges. Bon, la douche, un peu plus de nourriture. En fait, c'est que les musiciens deviennent une espèce, je dirais, essentielle finalement au fonctionnement, à la gestion du quotidien au camp, comme les cuisiniers, par exemple. Et ça crée beaucoup de jalousie. On a des témoignages de ça. Mais ça peut vous sauver la vie. Et à la libération, en 1945, il y a plusieurs musiciens qui ont survécu uniquement parce qu'ils avaient eu la chance de connaître ce merveilleux langage qu'est la musique. Quand je vous parlais du sentiment de honte, là, ça vient entre autres de ça. Parlons de la musique qui va sortir des camps. Ouais. Est-ce qu'il s'en compose beaucoup de musique dans les camps? Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a plusieurs compositeurs qui se sont exilés avant le début de la guerre, aux États-Unis, entre autres. Pensons à Schoenberg, pensons à Hindemith. Dans les camps d'extermination, c'est triste à dire, mais les compositeurs restaient pas très longtemps, restaient peut-être pas assez longtemps vivants pour avoir le temps de composer. On a l'exemple d'un compositeur néerlandais qui s'appelle Leo Smit, qui a été exécuté presque à son arrivée à Sobibor en Pologne. Donc, il y a quelques compositeurs aussi qui se sont retrouvés dans ce qu'on appelle les camps de prisonniers, les stalags, en Allemagne, en Autriche, ailleurs, où les conditions de travail, de détention sont moins violentes, un peu plus agréables. Mais il y a très peu de compositeurs qui y sont allés. Poulenc, Dutilleux, entre autres. Mais le plus connu, c'est sans contredit le compositeur français Olivier Messiaen. Ouais. Puis son camp, en fait, vaut la peine qu'on s'y arrête un instant. Ouais. Il a composé donc dans un camp, le Quatuor pour la fin du temps. On l'écoute témoigner de son expérience des camps. Nous parlons un peu aussi des conditions dans lesquelles il va créer son célèbre quatuor, extrait de l'émission « L'expérience des autres » diffusée en décembre 1970. J'ai été fait prisonnier et je suis resté à peu près un an et demi dans un stalag. Le stalag 8A à Görlitz, en Silésie, un endroit très froid, où il y a beaucoup de neige et beaucoup de boue. C'est vraiment un endroit affreux. Et en plus, nous n'avions pas du tout à manger, seulement une soupe par jour pendant un an. Il y avait vraiment de quoi ne jamais revenir. Eh bien, j'ai eu des chances, là. D'abord, la faim m'a donné des rêves colorés. Et j'avais comme camarade de buffet, si j'ose dire, parce que nous couchions dans des espèces de buffets avec des petits tiroirs en bois, et j'avais comme camarade de lit ou de buffet le violoncelliste Étienne Pasquier, du célèbre trio Pasquier, un très grand artiste, et aussi un clarinettiste, Henri Acocca, et un violoniste. J'ai donc écrit mon quatuor entièrement de tête. Le titre même de l'œuvre que j'ai écrite peut vous dire que à ce moment-là, je me trouvais presque comme quelqu'un qui va mourir, n'est-ce pas, et je voyais déjà l'au-delà. Si j'ai écrit quatuor pour la fin du temps, il ne s'agit pas du temps de captivité, ce n'est pas du tout un jeu de mots, je pensais à la fin du temps et de l'espace, c'est-à-dire à la fin de notre planète. L'histoire de l'écriture de ce fameux quatuor pour la fin du temps, ça pourrait donner un film, Catherine Zirimelli. Oui. Comment ça se passe pour Messiaen? Alors, Messiaen, grand compositeur français qui naît en 1908, et donc quand la guerre éclate, il est déjà bien établi en tant que compositeur. Et en 1940, quand il est envoyé dans ce camp de prisonniers à Görlitz, il est reconnu par certains officiers allemands, ou rapidement, en tout cas, certains apprennent qu'il est un compositeur connu, et ils acceptent de lui fournir crayons, papier pour composer. On va même parfois le dispenser de travaux. En même temps, on l'installe dans des latrines. Là. Il y a froid, il y a faim, il y a des hallucinations, il en parle. parlait. Mais en quelques mois, il va écrire ce chef-d'œuvre, et je pèse mes mots, et je ne suis pas la seule. C'est vraiment une œuvre extraordinaire, un quatuor pour clarinette, violon, violoncelle et piano. Et une œuvre qui a été créée aussi au camp, quelques jours à peine avant que Messiaen en soit libéré. C'est le 15 janvier 1941. Et c'est une œuvre importante dans la vie de compositeur d'Olivier Messiaen. Ce sera un point tournant dans sa carrière, entre autres. C'est la première fois qu'il va ajouter ce qui deviendra une de ses marques de commerce, les mélodies de chants d'oiseaux. Mais aussi, dans tout le répertoire du 20e siècle en musique classique, c'est une œuvre hyper importante. Elle est très complexe, elle est très moderne, elle est spirituelle et elle a marqué vraiment le siècle en termes de composition. C'est vraiment une grande, grande œuvre. Ouais. Puis ça, y a quelque chose de formidable qui glace le sang en même temps de penser qu'autant de lumière puisse jaillir d'un milieu où l'ombre était aussi profonde. Il y aura Messiaen, il y aura d'autres œuvres importantes qui seront composées dans les camps. Que deviendra toute cette musique composée dans les camps? Je vous propose d'écouter un dernier extrait, le musicien tchèque Jožák Haras, qui a travaillé à partir des années 70 à faire connaître justement les musiques oubliées du camp de Térédine. Il parle de cette musique oubliée à l'émission Radio Concert en mai 96. The Nazis didn't care. They felt that these people were going to die. And so, les nazis s'en fichaient complètement. Ils savaient que ces gens allaient mourir de toute façon. Alors pourquoi se soucier de cette musique? Elle servait leurs objectifs de propagande et c'est tout. Heureusement, beaucoup de partitions ont été sauvées. Et je vais vous raconter une histoire qui vous dira un peu comment. Victor Ullmann est un des compositeurs envoyés à Auschwitz par l'un des derniers convois d'octobre 1944. On sait qu'il a envisagé d'emporter avec lui ses manuscrits. Et heureusement, au dernier moment, il a décidé de les laisser à quelqu'un à Térédine. Cette personne a survécu et a conservé cette musique. Mais si Ullmann l'avait emporté avec lui à Auschwitz, je crois qu'on peut affirmer sans peine qu'elle aurait été perdue à jamais. Et un autre élément qui ajoute à l'intérêt de ces recherches, c'est qu'il est vraiment incroyable que, vu les conditions horribles dans lesquelles il vivait là-bas, si proche de la mort, ces êtres aient eu un tel besoin d'écrire de la musique. C'est donc, Catherine Viribilli, tout ce qu'on a perdu comme musique dans les camps. On le sait de plus en plus, peut-être que je pourrais le dire comme ça. Il y a un musicologue, musicien italien de notre époque, là, il est né en 1964, qui s'appelle Francesco Lottoro, qui tente depuis des années de reconstituer toutes les musiques écrites dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a quelques années, il a lancé une encyclopédie discographique. On est rendu à 48 CD. Donc, il y en a quand même beaucoup, des partitions oubliées. Ça s'intitule KZ Musique, pour ceux que ça intéresse. Mais le chef-d'œuvre de Messiaen, c'est un peu une exception quand même. L'ampleur, l'importance que cette œuvre-là a dans le répertoire classique, qu'elle ait été écrite dans les camps, cette œuvre, c'est un peu l'exception. Catherine Viribilli, c'était un sujet sérieux, mais un vrai bonheur de vous recevoir et de vous entendre. Merci. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Catherine Viribilli, chroniqueuse culturelle à l'émission Gravel le matin à Montréal, également musicienne classique de formation. Merci à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alain Savoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.